mais il faut que j'écoute avant. Je suis accordé autant. Thank you. Tu veux, Manu? Thank you. sympa ça. Mm-hmm.